Bonsoir, je suis Roger Delisle, le pape du cool. Vous écoutez Roger, c'est moi qui vais présenter aujourd'hui. Quoi? Tu te calmes. Quoi? Comment ça? C'est l'émission spéciale Noël. J'ai pris le contrôle de l'émission, mesdames et messieurs. Franchement, ils sont très mauvais en acteur studio. D'accord. Bonsoir. Merci Anne-Cécile. J'ai pris, incroyable. J'ai pris le contrôle de l'émission, mesdames et messieurs. Ah. Top. Mais générique. Vaticool, émission numéro 29. Ok, ah, au secours. Perdu son chien policier, celui qui lui... C'est la meilleure chanson, ça. Vaticool. Station. La station de la station. Vous êtes en direct de station, la station de la station. Aujourd'hui, tel un gilet jaune, j'ai pris le contrôle de l'émission. C'est moi qui présente Jean-Michel Péril. Et Roger Delisle sera mon invité, mesdames et messieurs. Et bonsoir à tous. Mais j'ai pas le droit des applaudissements. Applaudissements. Bravo. Applaudissements. Ça ne marche pas, c'est pas grave, tout va bien. Incroyable, et aujourd'hui, pour m'assister dans cette merveilleuse émission, nous avons bien sûr à la technique le merveilleux et non moins talentueux Robin, mesdames et messieurs. Bravo, Robin. Elle est le sosie vocal officiel de Jeanne Moreau. Ce qui est faux. Elle mange des nuggets. Elle là, je mange des nuggets. PLS, ça, c'est elle est vrai. En club de bois. Anne-Cécile Kowalski, mesdames et messieurs. Incroyable. Bonsoir. Voilà, donc ce Vaticool émission 29 pour fêter Noël. Roger m'a laissé le contrôle de l'émission. Il peut se passer tout et n'importe quoi à tout moment. Voilà, c'est j'ai rien préparé. Donc, très bien. On va s'éclater. Je vous propose. Je vois comment c'est dans l'esprit de l'émission. Ça fait plaisir, Jean-Michel. C'est Roger qui m'a formé. Donc il m'a dit si tu veux faire de la radio, faut rien branler. Je trouve plus mes cigarettes, c'est un enfer. Ça va bien se passer. Je vous propose de commencer par un peu de musique. Histoire de réchauffer un peu l'ambiance. Oui, bien comme sûr. Comme ça Roger se réveille et Anne-Cécile finit ses nuggets. Bah, moi, il m'en reste 3 et il me reste des frites aussi. Bravo. Pendant que je cherche. Alors, le fil rouge, donc du coup, le fil rouge de ton émission, c'est le McDonald's de Anne-Cécile en fait. Ouais. Ouais, on a un gros budget. Oui, parce que Anne-Cécile est en train de manger un. J'ai pris un maxi best-of, les gars. Waouh. Tu vas nous raconter un peu ce que t'as branlé hier quand même. Oui, très bien, je vais faire de la promo. Qu'est-ce qu'on écoute alors, Jean-Michel? Alors, on va écouter Pasteur Lap. Très bien. Donc, en fait, tu prends le contrôle d'émission, tu me demandes pas ce que je veux. Ok, super. Très bien. On fait à ta sauce. Pour le début, écoute, on va mettre un morceau que je connais. On a de la lumière dans Noël. Le studio, mesdames et messieurs. C'est magnifique. La lumière vient de revenir. On a de la lumière, c'est fou. C'est la première fois que j'ai de la lumière. Vous vous taisez maintenant, c'est moi qui contrôle l'émission, d'accord? Ok. On va écouter de la musique. J'en mets bonne ambiance. On écoute une petite musique pour se réveiller. Vous êtes sur Vaticool. Bienvenue à tous. Je vous aime. Là, et tu lances d'un coup. La flatulence. Come on. comme comme les gars malades comme la loumou. Sans alcool, présenté par Jean-Michel Perril. Ouais, c'est Jean-Michel Péril qui présente l'émission, sans mesdames et messieurs. Sans alcool, j'ai entendu. Il paraît, ouais. Il n'y a pas d'alcool aujourd'hui, on est sans alcool. Bonjour à tous, si vous venez de nous retrouver, c'est donc une émission spéciale Noël, Vaticool numéro 29. Pour cette émission et pour cette occasion, je présente l'émission et c'est Roger qui est mon invité. Mesdames et messieurs, Roger de Lille. Bravo. Pardon, bravo. Ça va toujours pas, bravo. Et nous sommes également en compagnie d'Anne-Cécile. Comment ça va, Anne-Cécile ? Le retour de Kova, bien sûr, le personnage le plus récurrent de cette émission, finalement. Mais ouais, finalement, c'est quand même la troisième fois que je suis là, que je viens, enfin, c'est terrible. Est-ce que vous entendez cette petite voix ? Et en vrai, oui, c'est vrai que ma voix est un peu... Dis-moi, un peu gutturale, Parle-nous, Anne-Cécile, on t'écoute. Mais en vrai, je pourrais venir toutes les semaines, parce que j'habite à 10 minutes. Mais on va en parler à la prod. Je ne te cache pas que j'enverrai un mail à la prod. Mais sinon, je tiens à dire que t'as un briquet avec une meuf à poil. Hein. C'est ma sœur. Ouais, elle est vachement bonne. Émission spéciale Noël. Nous sommes donc en compagnie de Roger, comme je vous l'ai dit, c'est Roger mon invité. Bonsoir. Mais finalement, mesdames et messieurs, qui est Roger de Lille ? Roger de Lille, peux-tu te présenter en quelques mots ? Quel est le secret derrière ce personnage ? Eh bien, bonsoir à tous. Donc, je suis Roger de Lille, le pape du cool. Aujourd'hui, en col roulé blanc et jean. Il n'a pas peur de se tacher. Hein. Non, effectivement, je suis peu enclin à me tacher ces temps-ci. C'est pour ça qu'il a pris du cidre et pas du rouge. Je suis animateur de Vaticool. Donc, sauf aujourd'hui, apparemment, vu que tu as pris le contrôle de cette émission. J'ai pris le contrôle, Roger. Félicitations. Je vois que tu as monté en grade. C'est un putsch. La direction doit être très fière de toi. Baisse un peu le tapis, s'il te plaît, mon lapin. Là, on est pas mal, d'accord. On est pas mal. Voilà, tu vois. Très bien, la régie me dit que je fais n'importe quoi. Ok, ouais, super. Tu me laisses super. Pas faire, tu me fais pas confiance. Ok, je te fais confiance. Je suis DJ, d'ailleurs, j'ai une grosse. Moi, je fais des sourires à la régie. Attends, on se calme. Un petit peu d'ordre, s'il vous plaît, en cette émission. Ah. Je vous demande un petit peu de silence. Roger, en quelques mots, s'il te plaît. Qui es-tu ? Présente-toi à nous. Donc je suis Roger de Lille, le pape du cool. J'anime un mercredi sur deux Vaticool sur Station, la station de la station. Également une nouvelle émission en cours de production, le Station Fooding Club, dans laquelle on parle de bouffe. On mange des trucs, exactement. Ah, on mange des trucs trop bien. On mange des trucs. D'ailleurs, Jean-Michel, t'aurais dû amener du foie gras. Hein. Eh oui, mais... bien sûr, ouais. Qu'est-ce que tu veux ? Noël. Le catering est un peu différent. C'est moi qui l'ai ramené, le catering, alors. C'est vrai, tu fais ramener le catering à tes invités. Moi, j'ai ramené la boisson. Mais bon, on est pas mal. Bah, moi, je suis là, déjà. Ce que je vous propose pour commencer cette émission, qui est donc consacrée à Roger, et Anne-Cécile nous parlera de son mal de crâne tout à l'heure, je vous propose un questionnaire, pour en savoir un peu plus sur Roger. Un questionnaire. Nous allons faire, mesdames et messieurs, nous allons faire le questionnaire de Proust. On peut avoir un jingle ? Il n'y a pas de jingle, Roger. Vas-y, mets un jingle. Non, tu me laisses faire. Le questionnaire de Proust. Ok. Vous êtes wow. Sur Vaticool, épisode 23. Épisode 29. Ouais. C'était pas loin. Roger, on va commencer cette émission avec le questionnaire de Proust. Très bien. Première question, Roger. Quel est ton principal trait de caractère ? Ça commence sur les chapeaux de roue. Très bien, mon principal trait de caractère. Faut que ça soit rapide, Roger. Il faut que ce soit rapide. Une idée, vraiment, faut que ça aille vite. Consciencieux. Consciencieux, Roger. C'était vraiment histoire de placer un mot, quoi. Roger, quelle est la qualité de... La régie se marre. Ouais, grave. Roger. Est-ce qu'on a la régie dans le stream ou pas ? Il a dit lol. Roger, quelle est la qualité que tu préfères chez un homme, Roger ? Sa droiture. Sa droiture, c'est intéressant. La mer rouge. La mer noire. La mer noire. Quelle est la qualité que tu préfères chez une femme, Roger ? Je t'avais dit que tu serais dans la merde aujourd'hui. Hein, effectivement, je suis dans la merde. Qu'est-ce que j'aime chez... J'aime beaucoup de choses chez une femme. Je t'inspire quoi, par exemple ? Une qualité vraiment... Toi, tu es merveilleuse. Voilà, j'adore quand il dit ça. Je vous propose de faire une petite seconde de silence sur Radio Classique. Sa personnalité, j'adore la personnalité des femmes. La personnalité des femmes. Ouais, leur personnalité, c'est génial. Très bien, Roger. Quel est ton principal défaut, Roger ? Oh, la colère. Et Robin, Robin en régie. Pour Robin en régie, c'est Noël. Le mec se marre depuis 10 minutes. Merde, putain. Ok. Quel est ton principal défaut? Je viens de le dire, la colère. T'es sûr de ça, hein? C'est la colère. Ouais, je pense que c'est la colère. D'accord. T'en vois d'autres, toi? Quelle est ton occupation préférée, Roger? À part boire du gin, évidemment. Ah, la radio. La radio. Animer des émissions radiophoniques. Lèche-cul. Mais non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, voilà, au bout d'un moment, faut savoir ce qu'on veut. Je comprends. Parmi toutes tes occupations, c'est animer de la radio. Non, c'est faire des empires. C'est monter des franchises. Ouais, des empires, des franchises. Très bien. Vaticool, le cool cast, tout ça quoi. Enfin. Et quel serait ton plus grand rêve, Roger? Off. Tu vois, il y aurait quelques temps, j'aurais pu te dire un truc de type développer mieux mes activités, dans une logique très capitaliste. Là, je dois t'avouer que mon plus gros rêve ces temps-ci, c'est arriver à payer mon loyer. C'est un vrai projet de vie en soi. Bisous Macron, bisous Macron. Ouais, arriver à payer mon loyer, je pense que c'est mon projet de vie principal. Vaticool, une émission politique, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bonsoir Vaticool. Question suivante, Roger, t'es prêt? Quel serait ton plus grand malheur? Ne pas me connaître. C'est vite déjà, hein. Oui, mais il y en a deux autres qui t'attendent. Ah, Anne-Cécile est ingérable aujourd'hui. Et puis, tu n'as même pas commencé. Ingérable, la meuf. Si, j'ai déchaîné. Laissons Roger répondre, s'il vous plaît. On disait quoi, du coup? Ton plus grand malheur. Quel serait ton plus grand malheur, Roger? Oh, l'effondrement, la perte de mes proches, tout ça, de l'Empire, la fin de l'Empire. La fin de l'Empire. La fin de l'Empire. Mais si l'Empire attaque, l'Empire contre-attaque. Merci, Anne-Cécile. Il y en a une qui suit, c'est bien. Tantonon. Roger, où te vois-tu dans 20 ans? Dans 20 ans, t'auras quel âge? T'auras 50 piges? Oh. Non. Plus, 60 ans. Mais quel âge as-tu d'ailleurs? C'est une question que m'envoie Malika du 9-2. Alors, en direct sur station. Salut Malika. On doit dire le vrai ou... Ton âge. Ton vrai âge. Ton vrai âge, Roger. Eh bien, j'ai 25 ans. Oh. C'est vrai? Eh oui. Mais t'es tellement petit. Roger a 25 ans, mesdames et messieurs. C'est une information exclusive, je pense que tu as... Incroyable! Merci le public! Donc dans 20 ans, t'auras 45 ans? Tu feras quoi à 45 ans, Roger? 45 ans, ça va, c'est pas vieux. Hein. Jean-Michel s'en approche en plus. ferme bien ta gueule. Bah déjà, j'espère que je serai plus aussi galérien, tu vois. Mais tu trouves que t'es galérien? Ah bah, disons que je me démerde pas mal dans la... Moi, je trouve que dans la galère, je trouve que tu te démerdes bien. T'es un genre de Michel Blanc, t'es un genre de Jean-Claude Duss, Roger. Il dit ça à cause du polo blanc. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Très bien, on continue. En fait, t'es encore sur ta soirée de la veille, toi, comment ça se passe? J'ai encore de l'alcool dans le sang. Tes petits nuggets qui sont faciles à mâcher, hein, c'était bon? Écoute, c'était délicieusement horrible. Non, j'ai tout mangé. J'ai proposé à personne. Tu m'étonnes. Si vous m'aviez demandé, j'aurais offert un nugget, non, pas contre cœur, mais... Continue. Non mais ouais, parce que... Non mais tu vois, je ne peux pas... je ne peux pas parler tranquillement, quoi. Je pose des questions à mon invité. Bah vas-y, pose des questions, là. Je t'écoute, Jean-Michel. Bah ouais, j'espère bien que tu m'écoutes. Alors, je continue. Ensuite, Roger. Oui. On m'a jamais posé autant de questions comme ça. Eh bah, ben, on fera une émission spéciale, Annecy. Bah, on la fera en février. Très bien. Avant mon expo, parce que en fait, je viens normalement quand j'ai des expos. Là, j'ai. Bah voilà. On en reparlera. Tu m'énerves. Mais c'est dingue. Elle était là sur sa promo. J'ai même pas commencé à dérouler mes dates. Elle squatte l'antenne. C'est incroyable. quel est le pays où tu aimerais vivre? La France. Bonne réponse. Attends, excusez-moi, mais là, par contre, voilà, quoi, je suis désolé, c'est quand même le meilleur pays du monde. Mais t'as la meilleure bouffe du monde. T'as beaucoup voyagé, Roger? Jolie fille, j'ai un peu voyagé, figure-toi. T'as baroudé, comme on dit? J'ai un peu baroudé, en effet. T'as roulé ta bosse? Oh, si peu. Jusqu'à Montargis, au moins. Jusqu'à Montargis, au moins, évidemment. Je suis dans le stream. La régie est déchaînée aujourd'hui. J'ai l'impression qu'elle est très contente de me voir dans la situation de Roger, quels sont tes auteurs favoris? Ça, c'est vraiment une question horrible. Et ben, ça, pour le coup, je peux y répondre. Roger Nimier. D'accord, un Roger encore, d'accord, on n'arrête pas de Roger. On n'arrête pas le projet, effectivement. Non, Roger Nimier, tu connais Roger Nimier ? Pas du tout, c'est qui ? C'est l'un des quatre hussards, il a notamment écrit le Hussard Bleu, en fait c'est un style donc de littéraire plutôt axé politiquement à droite, mais en fait dont tout le sel, toute la substance est en fait basé sur le style. D'accord. Et c'est super beau. Bah, tu nous liras un extrait ? Bien sûr. Hein oui, ce serait fabuleux. Ouais, tu vois, on va finir le questionnaire, on va mettre une petite musique et Roger nous lira un fabuleux extrait. On va faire ça. Roger, quels sont tes héros dans la fiction ? Mes héros de fiction ? Ouais. Moi. Oh putain, mais c'est pas vrai. on a un mec de la sécu qui peut la foutre dehors ou pas pour le comment ça se passe ? Là aujourd'hui, tu es censé assurer ta propre sécurité. Je peux pas tout faire, Roger. Je peux pas manger des bonbons acidulés, fumer des clopes et boire du cidre. Ah oui, j'en ai acheté plein des bonbons acidulés. Sachez que en fait, Jean-Michel va manger tous les bonbons avant la fin de l'émission. Ah, ça va être trop bien. Oui, c'est le fil rouge de cette émission. Non. Non, les héros dans la fiction. Mes héros dans la fiction. La fiction, ça peut être la littérature, ça peut être le cinéma. Je ça peut être. Un ouais, mais pour si les mecs existent vraiment, ça compte ou pas ? Alors non, parce qu'il y a une question sur les vrais héros. Ok, très bien. Voilà, cette odeur. Tiens, Jean-Michel. Excusez-moi, là, Jean-Michel est en train de sniffer l'intégralité du paquet de bonbons de Publis de chez Lucky. Qu'est-ce que c'est bon, putain. Si vous regardez, j'ai pris des Publis. Vous pouvez voir Jean-Michel. J'ai pris des Publis. C'est génial. Alors les héros, bordel, Roger. Mes héros, Sèche, Joker. Corto Maltese. Ouais, très bien, Corto Maltese. Tes héroïnes dans la fiction. Moi. Et je parle pas de la drogue. Hein. Énorme blague. Oui. Merci. Elle est énorme. Quel public incroyable. Alors tes héroïnes. J'en ai pas des héroïnes. D'accord, t'as le droit, Roger, c'est pas grave. J'en ai pas. Alors tes héros dans la vie réelle. Tes héros et héroïnes dans la vie réelle. Ça peut être des gens que t'as rencontrés. Dans ton long parcours de galérien. Bah, j'aime bien Anthony Newcombe, j'aime bien ce qu'il a fait. Qui ça ? Anthony Newcombe. Ok. Le chanteur du Brian Wilson Massacre. D'accord. Hunter Thompson. D'accord. Okay. Ce genre de mec, ouais. Mais on a dit des héroïnes, pas des mecs. Non, des héros. Héros et héros, slash héroïne. Ah, ok. Héros dans la vie courante. Absolument. Voilà. Absolument. Et héroïne ? Héroïne. Est-ce que tu as rencontré une demoiselle ou une dame qui t'a marqué dans toute ton existence et que tu considères comme une héroïne ? C'est une vraie question. Par ta maman, j'imagine. Oui, ma maman. Qu'on salue, qu'on embrasse. Salut Monique. Monique ? Elle s'appelle Monique ? Ouais, elle s'appelle Monique. Monique de Lille. Exactement, maman de Lille. Maman de Lille. Qui écoute toutes les émissions d'ailleurs, donc qu'on salue. On la salue et on l'embrasse. En vrai, on parle pas de la vraie question, c'est quel est le vrai nom de Roger de Lille ? Est-ce qu'on a le droit de le dire ou pas ? Ou est-ce que c'est tabou ? Bien sûr, il s'agit de Roger de Lille, le vrai nom de Roger de Lille. Ça vous la coupe ? Ouais. Menteur. Ouais. Moi, j'ai fait mes recherches sur Wikipédia et apparemment, c'est pas ça. Moi, j'ai une petite histoire autour de ça qui est assez rigolote. Ouais. C'est je ne sais pas pourquoi quelqu'un que j'ai envoyé vers Roger lui envoie un mail. Tout de suite ! Et non, c'est moi qui contrôle. Vas-y. Un jingle, wesh. On écoute Anne-Cécile. Et finalement, Roger revient vers moi et dit : mais Anne-Cécile, comment ça se fait que cette personne m'a dit mon vrai nom, et j'étais, mais j'en ai strictement aucune idée. Et oui, c'est Roger de Lille avec un seul L en réalité. Je vous ai menti à tous pendant tout ce. Voilà. Non, mais je ne dirai pas ton vrai prénom. T'inquiète pas, tout reste entre nous. Hein. Donc voilà. Autre question. Et la dernière pour. Enfin, il y en a deux. Ah. Alors, l'avant-dernière, comment aimerais-tu mourir, Roger ? Ah, moi je sais. Dalida, je veux mourir sur scène. Mais oh, mais ça, c'est une réponse magnifique! Bonsoir! Très, très, très, très belle réponse de Roger Delis, mesdames et messieurs. Et la dernière question, as-tu une devise? Moi, je sais quelle serait la mienne. Plus on est de fous, plus on rit. Mais Anne-Cécile, tu n'es pas invitée, putain! Elle est invitée ou pas? Je comprends plus rien. Non, elle est censée manger et elle va nous parler d'astrologie, Anne-Cécile, voilà. Ah, très bien. Bon, pendant une demi-heure, ça va être énorme. Alors, Roger, quelle est ta devise? Et sinon, je peux avoir un shot ? Non. Ça marche ! Eh bien, c'était l'interview de Roger Delis, mesdames et messieurs. Ça manquait un peu de speed. Bravo ! Présenté par Roger. Eh ben non, aujourd'hui, c'est moi qui présente. Et c'est moi qui présente. Et c'est moi qui présente. Et on va écouter une petite musique, ça vous dit ou pas? Très bien. Oui, alors, un truc de qualité alors, qui dure pas 6 minutes. Alors je vais remettre un morceau à moi, après on écoutera des trucs okay, à vous. Très bien. Si ça vous embête pas, on va écouter Melodies Chambers Echo. Echo Chamber. Ok, c'est parti. Okay. Avec... Oh non. C'est quoi le titre du morceau? La régie n'est pas d'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a la régie? T'aimes on pas? On parlait pour la forme, t'inquiète pas. D'accord. Ah, il gueule juste pour plaisir de gueuler. On se retrouve juste après ça. Vous êtes sur Vaticool, épisode 29. Vaticool. Spécial Noël. Spécial Noël. Ding, ding, ding, ding. Yeah. Picole, présenté par Jean-Michel Péril. Et ouais, c'est Jean-Michel Péril qui présente aujourd'hui. Nous sommes toujours en direct au rond-point de la Porte d'Aubervilliers. À la station Gare des Mines, je suis en compagnie de Roger, mon invité. Bonsoir à tous. Je suis également en compagnie d'Anne-Cécile. Oui, tout à fait, c'est moi. Anne-Cécile qui est en train de faire plein de choses en même temps. Oui, c'est-à-dire que j'aimerais quand même savoir, est-ce que quelqu'un pourrait répondre et savoir si ça filme. Alors sur le chat du live Instagram de Anne-Cécile, si vous pouvez dire si ça marche ou pas quand elle n'est pas en train de filmer, regarder son application, eh bien ce serait formidable. Envoyez-le sur le Twitter avec le hashtag Vaticool. Et Anne-Cécile n'est pas là pour rien puisqu'elle va nous parler aujourd'hui d'astrologie. Anne-Cécile, est-ce que tu es prête? Alors, je suis prête. Alors attention, lancement jingle. Ça, c'est un jingle aléatoire. Ok. Alors, globalement, 2018 était une année... Quoi ? Voilà. C'est un petit tapis pour l'astrologie, bien sûr. On écoute, Anne-Cécile. C'est donc, parti. Du coup, 2018 était une année de transition pour tout le monde. Pas facile, pas facile. Mais on dit ça tous les ans, de toute manière, et tous les jours, donc c'est un peu l'angoisse. Donc, on vous souhaite tous nos vœux astrologiques, où on vous souhaite le succès, trouver l'amour, te réconcilier avec ton hamster, être raisonnable, bien travailler, pas faire de mardi chétane. Ah, comme hier, ne pas bicher sur tes pairs, faire des remarques constructives sur tes pairs, en gros, genre être quelqu'un de sympa. Alors, n'hésite pas à parler vraiment dans le microphone. Ah, mais je parle dedans, vous m'entendez ? Non, mais t'es trop loin, là, rapproche-toi. Mais non, mais je suis collée, je suis collée. Alors, tout va bien. Merci, heureusement, la régie est là, de mon côté. Donc, Vierge, parce que je commence par mon signe. Donc, on dit que tout vient à point, à qui s'est attend. Néanmoins, n'attendez pas en vous faisant marcher sur les pieds. Respectez-vous et restez positif malgré vent et marée. Taureau, prenez confiance en vous et dans votre entourage. Oui, dis-moi. C'est un auto-message que tu essaies de te transmettre ou Exactement, exactement. Je n'ai absolument pas dirigé. Tu es vierge, Anne-Cécile ? Oui. Ok. C'est ma réponse préférée. Génial. Taureau, prenez confiance en vous et dans votre entourage. Ouvrez les yeux, l'amour est certainement juste à côté. Gardez un esprit ouvert et ce que vous entreprenez sera un succès. Laissez-vous un peu aller et soyez tranquille. Poisson, vous êtes un peu rocky dans la vie. Ah, c'est Jean-Michel qui est poisson. Toujours pas, non. Non, toujours pas, les Capricornes. Merci. Ah oui, c'est vrai. Il y en a un qui suit. Bravo. Bon, poisson, vous êtes un peu rocky dans la vie, ce n'est pas facile avec vous, mais vous ressortirez un plus. Un peu quoi ? Rocky. Rocky. Genre Eyes of Tiger, tout ça. Tu bats le bois. En fait, tu vas galérer. Tu galères, t'es un poisson, tu galères. Mais tu en ressortiras plus fort. Heureusement, un peu d'amour viendront apaiser votre stress. Scorpion, il faut prendre le temps d'analyser vos relations pour savoir si elles ont un avenir ou non. Mais rassure-toi, ta vie sentimentale sera pleine de nouvelles expériences. Gémeaux, liberté, voilà ce qu'on crie à l'oreille des Gémeaux. Liberté de choix et d'action, alors on n'a pas peur et on se fait confiance. Capricorne. Ouais, c'est moi, vas-y, je t'écoute. Ah non, mais en fait, il faut que je lise, faut que je lise le Sagittaire avant de lire le Capricorne. Alors, Sagittaire, il se montrera audacieux et sera prêt à conquérir le monde. Et ça ne laissera personne indifférent. Les natifs célibataires rencontreront une partenaire très différente et très différente de ce qu'il a l'habitude de fréquenter, donc arrête d'aller genre au sans souci. Je ne vais jamais dans cet endroit. Et bref, si vous êtes en couple, ce sera l'occasion de renforcer votre relation en 2019. Et en fait, Capricorne, en fait, c'était à peu près le même horoscope. Donc voilà. Attends, qu'est-ce que c'est ? Tu fous de ma gueule ou quoi ? Non, mais c'était vrai. Hein, quand j'ai fait mes recherches, en fait, Capricorne et Sagittaire, c'était un peu la même. Mais ce sont deux signes distincts. J'ai mon identité. Mais c'était un peu la même chose. Ça dit quoi le Capricorne et Cécile ? Le Capricorne dit la même chose que. Ah, Cancer. Tu veux que je le répète ? Non, je n'ai pas dit encore Cancer. Mais on veut le Capricorne. Le Capricorne, bah en gros, tu vas galérer, mais ça va aller. Super. Breaking news. Lion. C'est bien parce que ça change par rapport à d'habitude. Tu m'étonnes. Lion, il va peut-être. Ah, d'ailleurs, en fait, en vrai, pour les Capricornes, Jean-Michel Péril, n'hésitez pas à envoyer des petits messages à Jean-Michel. Il vous attend. En fait, il n'attend que vous. Sachez-le. Lion, il va peut-être falloir penser à se poser, ou en tout cas, au moins à définir ce qui vous ferait du bien. On réfléchit un peu et après on fonce. Bélier, que de choix et de personnes bien excentriques qui vont vous entourer. Donc, tu vas pas t'ennuyer. Donc, c'est cool. Cancer, attention, Cancer. Bingo pour les Cancers, ils sont bourrés d'assurance, ils seront au top de la séduction en 2019. Attention à ne pas briser trop de cœurs. Bisous la régie. Attention la régie. Ouais, la régie, arrête de briser des cœurs un peu. Verseau, apparemment pour trouver l'âme sœur, il va falloir faire appel à ton réseau, mais pas téléphonique, plutôt à ta copine qui aime bien faire des dîners arrangés. Elle fait des jeux de mots. Et... Très bien. Oh là là. Balance. Donc, gros, ah, c'est gros, le dernier signe, c'est le dernier signe. Putain, mais attends, et Verseau, c'est mon signe, tout le monde s'en fout, quoi. Super. Bon, bah... Je reprends le contrôle. Non, mais en gros, voilà, genre, il va falloir que des gens te trouvent, va trouver l'amour avec tes potes de potes. Très bien, bah, si vous écoutez cette émission ou si vous êtes vous-même une pote à moi, bonsoir. N'hésitez pas. N'hésitez pas bonjour. À présenter des gens. Et moi, je présente toujours des gens. Généralement, c'est des garçons, c'est le problème. Oui. Balance, ouais, c'est le dernier signe là. Ouvert avec Balance, projet, bon. Un climat super positif. Ton charme ne laissera personne indifférent et la spontanéité sera ton allié. Alors, oublie les fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. Oh bah, parce bien, que c'est méga chiant. Balance, voilà. Bisous, bien, Balance. Tout le monde s'en fout. Merci Anne-Cécile, c'était la rubrique Astro d'Anne-Cécile, mesdames et messieurs. Cool, présenté par Roger. Eh ben non, aujourd'hui c'est moi qui présente. Et c'est toujours moi qui présente. Il y a eu 5 spectateurs dans nos stories, mais on va en refaire un truc en direct. Avec grand plaisir. Putain, mais elle fait le buzz d'une manière incroyable. Alors, Roger, tu me disais tout à l'heure, hors antenne, comme on dit dans le jargon, que tu as une actu extrêmement chargée. Quelle est-elle ? Quelle est-elle ? Eh oui, Jean-Michel, en effet, j'ai pas mal de DJ sets prévus pour le début de l'année qui vient. Ah, attends, je viens de dire pour les auditeurs qui viennent nous rejoindre. Oui, oui. Non, pas de chat, mais c'est pour dire que du coup, il avait une actualité très, très. Très chargée, absolument. Voilà. Et on l'écoute tout de suite. Donc et plusieurs. Oui, le chat, en effet, j'ai une actualité extrêmement chargée ces temps-ci. Chargée, puisque donc le 3 janvier, je mixerai à l'Alcazar. Ok. C'est quand même un peu la classe. L'Alcazar, c'est pas mal. Comment t'as eu ce plan ? C'est une prison, non ? Oh putain, c'est pas vrai. Non, ça c'est Alcatraz. Foutez-la dehors. Mais non, elle boit du cidre. Mais non, ça c'est Alcatraz, Anne-Cécile. L'Alcazar, c'est un club qui fait aussi un restaurant gastronomique. De l'autre côté de la Seine. À l'Alcazar ! Mais du coup, c'est plutôt élégant comme lieu. C'est plutôt chic, en effet. Élégant, je sais pas, mais il aura ses bottines. Je jouerai un peu housey, un peu disco. On t'offrira des cocktails ? Oui, sûrement, mais moi tu sais, je suis un homme simple, un homme de la rue. Je bois des pintes de bière, des gin tonic, des shots de gin. D'où te vient cette passion pour les gins d'ailleurs ? Alors, c'est une bonne question, mais en fait je crois que j'ai longtemps cherché mon alcool avant de le trouver finalement sous mes yeux. Et il t'a trouvé ? J'étais là depuis le début et en fait c'était délicieux. Donc voilà, moi, mon cocktail préféré c'est le Negroni, ma boisson préférée le gin tonic, enfin... Passion gin. Le gin, c'est ce que je préfère boire. C'est ce que tu préfères. Et d'ailleurs, gin... D'ailleurs, l'abus d'alcool est déconseillé pour la santé. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ah, voilà, consommez-le avec modération, mais... Ouais. Moi, quand il y a le... C'est qui, modération, putain ? Attention au verre de trop. Oh, attention, ce que je dis toujours au verre de trop. Moi, quand il y a le verre de trop qui arrive, je le jette. Et je bois celui d'après. Mmh. Ah, il y a quelqu'un qui vient d'envoyer un petit emoji cœur. Emoji cœur. Roger, d'ailleurs, le gin, ça me fait penser au groupe. Parce oui, que Roger que est j'ai également un orchestre, en effet. Alors, orchestre troubadour. Alors j'ai un orchestre en effet, donc c'est un duo punk. Ok, avec qui ? Avec le bien nommé Baptiste. Qu'on embrasse. Baptiste bisous, le banquier. Baptiste. On embrasse. Mais... Voilà. J'ai l'impression voilà, qu'on est un peu bavé dans le micro. Mais non. Qui est à la fois le plus mauvais batteur de Paris, mais aussi mon préféré, donc on l'embrasse voilà, beaucoup. Et avec lui, bah, j'ai enregistré l'équivalent de 2 45 tours. L'an dernier. Ça fait pas mal. Donc voilà, le premier est sorti, il est toujours disponible chez Santé. Cling. Santé, Anne-Cécile. Gling. Donc le premier est toujours disponible dans vos petits commerces et également sur Gonzaï et directement à mes concerts quand j'en fais. Donc ça fait un petit moment, mais je vais m'y remettre. Ok. Bientôt. Et donc là, ce que je voulais qu'on écoute, c'était un extrait du deuxième 45 tours, donc qui n'est pas encore sorti. Mais on va écouter avec grand plaisir. Exclusivité. Une exclusivité. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle comment ? Le morceau s'appelle Mon amour, et c'est donc sur le. C'est sympa de m'écrire une chanson, Roger. Et qui est oh tu. C'est pas exactement pour toi celle-là, mais tu comprendras en écoutant les paroles. Donc c'est du punk en français. On va écouter tout de suite Mon amour de Roger Delisle and the Gin Tonics. Tout à fait, à apparaître sur le deuxième 45 tours quand quelqu'un voudra bien me le financer. Vous avez une date de prévue de concert bientôt ? Alors pas encore, malheureusement, mais n'hésitez pas à proposer vos dates en envoyant un mail sur vaticoolradio@gmail.com ou encore, bien sûr... Roger Delisle @gmail.com sur Twitter, Facebook, Roger Delisle. Super, on écoute ça ? On écoute c'est ça. Parti pour c'est Mon parti. Amour de Roger Delisle and the Gin and Tonics. Vous poupée de ta peur mal. Putain, j'ai envie de te faire truc sale. S'il te plaît, mon amour, m'en veux pas. S'il te plaît, ma chérie, crois-moi. S'il te plaît, mon amour, m'en veux pas. Sortiras soudé, tu marcheras pas droit. J'ai déjà qu'une pute qui jamais ne rappelle. S'il te plaît, mon amour, m'en veux pas. S'il te plaît, ma chérie, crois-moi. S'il te plaît, mon amour, m'en veux pas. Mais oublie mon adresse, personne te répondra. Aucune qui léche la chatte. S'il te plaît, mon amour, m'en veux pas. S'il te plaît, ma chérie, crois-moi. S'il te plaît, mon amour, m'en veux pas. J'en ai un amour, les personnes ne m'attendent là. Ah. Roger de Lille and the Gin and Tonics, mesdames et messieurs. Donc une chanson qui dirait 2 minutes. Petit Cool, une émission sans alcool présentée par Jean-Michel Delille. Oui, toujours présenté par Jean-Michel Péril et toujours sans alcool, mesdames attendez, et messieurs. Attendez, je remets mon casque. Remets ton casque, Anne-Cécile. Alors, Anne-Cécile est actuellement en direct également sur Instagram. N'hésitez pas à réagir sur son chat. C'est vous pouvez poser des questions. Vous pouvez poser des questions, poser évidemment, des questions, aux invités, vous pouvez interagir, absolument, absolument. À la régie. À la régie à aussi. Monde. À la régie. Je sais qu'il y a des gens du bar en bas, donc si jamais vous voulez des infos sur le bar aussi. Mesdames et messieurs, je vous demandais un petit peu... Chers auditeurs, chères auditrices, j'ai du mal à articuler. Dans quelques jours, c'est Noël. J'en peux plus de ces putains de musique. Qu'est-ce que vous avez prévu, les petits loups, pour les fêtes de fin d'année? Moi, je faites-moi rêver, bordel. On va commencer avec Anne-Cécile qui ne fait que parler depuis tout à l'heure. On va la laisser s'exprimer, hein, Roger. On fait ça? Très bien, faisons comme Anne-Cécile, ça. Anne-Cécile, c'est parti. Tu as 2 minutes pour nous parler de ton programme. De Noël. De Noël. Alors, de Noël, eh ben, je vais retourner dans le sud faire des fêtes. Où ça, en dans famille, le sud? Où ça, dans le sud? À Draguignan. Oh, Draguignan. À Draguignan. Oh, Draguignan. Bah oui, Draguignan, c'est quelle très sympa. Belle ville. Mais oui. Et du coup, bah, je vais aller manger du foie gras et des huîtres à Draguignan, ça va être super. Et ensuite, pour le nouvel an, je ne sais pas encore, donc n'hésitez pas à partager vos meilleures soirées avec moi. Bah, figure-toi que j'en ai une. Ah, ouais. Bon, alors quelle est la soirée de Roger de Lille? Bah, figure-toi que pour le premier de l'an, je mixerai de 2h jusqu'à 5h du matin à Brume, le nouveau barde. C'est en effet. Comment, Roger? Il ne faut surtout pas manquer, en effet, 1er janvier de 2h à 5h du matin. Oh là, non, mais le 1er ou le 31? Bah, 1er janvier de 2h à 5h, donc techniquement ah oui. Ça fait la suite du 31. Ah oui, suis un peu, Anne. Non, mais moi, tant qu'on dort pas, on est toujours la même et journée. Bah, justement, hein. Toi, justement t'as c'est comme un anniversaire. T'as pas dormi. Ah si, j'ai dormi. Puisque je serai en DJ set pour le 1er de l'an à Brume. C'est où Brume? C'est où Brume? Alors, Brume, c'est où? C'est à côté de Brouillard. Il est vraiment drôle. Quel farceur, ce Jean-Michel! Incroyable! Il s'auto-applaudit, regardez. Non, pas du tout, c'est le public. Merci. Non, c'est... Alors, c'est où Brume? Alors, Brume, ça se situe au niveau du... Il est en train de regarder, là. Du métro Ménilmontant. À deux pas de l'international, rue Moret. Donc, c'est vraiment juste à côté. C'est vraiment un chouette endroit ouvert par des gens bien. Comme quoi, il en reste. Et oui, il en reste, bien sûr. Mais à part ça, au niveau du Noël, comment ça se passe, Roger? Roger, non. Ah, la régie dit Roger, non. Comment alors, Roger, je sais pas non, pourquoi la régie? Il y a une manif de la régie. Écoute, j'y ai joué vendredi et c'est à Brume. Ah, non, à l'international. Ah. Mais non, mais on s'en fout de l'international, je te parle de Brume. Il suit pas. Ah bah très bien. Ah, enfin, l'international, bien sûr, qui reste des amis, tout ça, mais moi je joue à Brume. Et donc, Brume, c'est au niveau du... À Brume. Elle est bien la cathédrale. Elle est super manette. Elle marche hyper bien, c'est incroyable. Ok. Donc alors le bar Brume, donc il se situe au 131 rue Oberkampf, dans le 11e arrondissement. Et Noël, tu fais rien? Et Noël, si je rentre chez mes parents. D'où tu viens, Roger? Je viens d'Agen. Tu viens pas de Bordeaux? Bah, c'est à côté de mon cul, non? C'est pas. Les blagues de merde, c'est moi, d'accord? On peut pas alors, être deux. Figure-toi que c'est pas très loin de mon cul, en effet. Mais oui, en effet, c'est pas très loin de Bordeaux. Et bah, si je viens d'Agen, moi, et j'allais assez souvent à Bordeaux, à Toulouse, à tout ça, quoi. Et ça fait combien de temps que t'es à Paris ? Ça va faire 7 ans, un truc comme ça. Je suis arrivé le 5 août 2011. Ah d'accord. Bah, c'est très précis, hein. 7 ans, ouais. On est arrivé presque en même temps. Parce que j'ai toujours gardé le ticket de train qui m'a amené jusqu'à Paris. Ah, Jean-Michel veut du... Ouais, du cidre, s'il vous plaît. Et que quelqu'un abreuve l'animateur. Je t'écoute, hein, Roger. Bah, du coup... Tu t'es fait à la vie parisienne. Qu'est-ce que t'as fait en arrivant ? Bonjour, il y a un monsieur dans le studio. Bonjour, monsieur. Et Lancelot vient d'entrer dans notre émission incroyable. Nous sommes actuellement en direct. Lancelot, partage mon micro. Ça va ? Dis bonjour aux éditeurs de Vatican. Bonjour aux éditeurs. Salut Lancelot. Bonjour aux fans de Roger, quoi. Ah. Et ils sont nombreux, mesdames et messieurs. Alors Lancelot, il est au bar. Avec nous également, Pierre. Oui, Pierre, youhou. J'aurais aimé Thomas. Ah, il vient de lâcher la bombe, il vient de attention, lâcher la attention, bombe. Il vient de lâcher la bombe. J'espère que vous avez bien écouté. Eh oui, parce que Lancelot s'appelle en réalité Thomas. Quel farceur ce Lancelot. Ouais, t'en sors bien, espèce d'enfoiré. Donc voilà, du monde qui arrive dans le studio, c'est aussi sabbatical, beaucoup d'improvisation, beaucoup de surprises finalement. Là, il est en train de reprendre le lead. Hein. Il est en train de reprendre un peu le lead. Moi, je vous propose qu'on écoute un morceau. On va dire bientôt bonjour. Moi, en fait, on s'en fout quoi. Je rentre chez ma mère et basta quoi. Mais qu'est-ce que tu... Bah, alors, on t'écoute, Roger. Qu'est-ce que tu encore veux? Encore Lancelot, mais sans son manteau. Le retour de Lancelot. Bah oui, tu vas prendre une cigarette. Serre-toi, mon vieux. Lancelot qui travaille au bar et qui nous fera du coup sa petite chronique tout à l'heure. La chronique de Lancelot, mesdames et messieurs. Ah, parce qu'il va nous faire un cours de mixologie du coup. Absolument. Eh bien, absolument. C'est vrai, on l'appelle le mycologue dans le milieu. C'est la dernière émission de l'année, comme vous le savez tous et toutes. Ne soyez pas tristes, ça sera bientôt l'occasion pour nous de dire bonjour à 2019. Et donc, on va mettre un morceau qui s'appelle Say Hello, parce que c'est bonjour en anglais, de Fuzz. Et on se retrouve tout de suite après, Station Station. Restez la radio de la station. Restez avec nous. alcool présenté par Jean-Michel Péril. Oh, c'était bien. Tu au point de la porte d'Aubervilliers. C'était bien Fuse. C'est pas mal. Anne-Cécile, ça va? Bah oui, je suis toujours en train de filmer. Elle est toujours en live. Elle est en train de streamer en live. Le studio a été pris d'assaut, mesdames et messieurs, par deux gilets jaunes. Oui, le bar. Je vous présente le bar, donc Lancelot et Lancelot et Repli. Vous voulez dire un mot, les garçons? Prenez le micro. Prenez le micro. Attends, alors, si tu veux quelles dire, sont, tu quelles sont vos revendications? Dans la semaine pour les fringues que tu as laissées chez moi. Germain, quoi. Elle pense que c'est à moi. On se voit dans la semaine. Ouais, on se voit dans la semaine, bien sûr. Et joyeux Noël. Et joyeux Noël. Et joyeux Noël, bien sûr. Merci les garçons. Merci à vous. Permet de vous abreuver quand vous venez ici. La station Station, ce n'est pas qu'une émission de radio et un studio de Krakaus. C'est aussi un lieu de rencontre et un lieu de fête. Et de partage. En effet, la fête, le partage. Vive Noël. La joie. Eh ben voilà, je pense qu'on a fait le taf. Qu'est-ce qu'il nous reste du temps? Il nous reste du temps. Moi, je vous propose, si vous êtes d'accord, mesdames et messieurs, je vous propose de parler un petit peu de sexe. Wouhou! Et c'est Jean-Michel qui dit ça en plus. Ferme-la, toi, on t'a pas parlé. Lance le jingle. Tu me laisses faire. Oh, jingle. Tu me laisses tranquille. Non, mais attends, tu me laisses faire tranquillement, s'il te plaît, mon lancement, d'accord? Le lancement, c'est maintenant, comme disait... DJ François Hollande. DJ Flamby. Alors, tac, parce que j'avais une musique qui était vachement bien. Ouais, c'est celle-là. Ah non, mais tu remets pas de la musique, là. Non, mais c'est un tapis, tu te calmes. Ah. Tu te calmes. On va parler un peu de sexe, mesdames et messieurs. C'est où, le touche sexe, déjà? C'est le fa dièse, là-haut. À côté des... Donc, nous sommes toujours avec Jean-Michel Péril et Roger Delisle et la régie, voilà, en direct sur Instameuge, comme dirait notre cher Roger. Et là, le soleil commence à se coucher, eh oui, c'est quand même un peu l'angoisse. Le sexe, hein. Je n'en parle jamais, en fait, je le pratique surtout. Alors, j'ai une question. Oui. Pour Roger et pour Anne-Cécile. On va commencer par Roger. D'accord. Roger. Ça veut dire que j'ai pas le droit de parler avant. Raconte-nous ta dernière expérience sexuelle, Roger. C'est parti, ok. Non. Ça marche. Maintenant. Non, vraiment. Non, mais ta question, elle est horrible. Genre, raconter une histoire, ok, mais genre la dernière. Alors, raconte une histoire. Raconte-nous une histoire, Père Castor. Père Roger. Eh bien, c'était lors d'un premier de l'an, les petits amis. Est-ce que je peux avoir un tapis un peu plus adapté à la situation? Oh, mais si je t'ai mis des tchakachas quand même. Attends, je vais te mettre un truc un peu plus solennel. C'est un truc un peu alors, plus. Un tapis, pour smooth. Ceux qui ne savent pas, parce que moi, je ne savais pas avant d'arriver. C'est un petit fond musical pendant qu'on parle à la radio. Voilà. Non, tu mets pause. J'arrive, hein, Oui, pendant ce temps, Jean-Michel se fait à la technique, lui aussi. Ouais, mais il n'y a pas de raison. C'est une formation. C'est parti pour le tapis musical spécial sexe. C'est une histoire qui s'est déroulée lors d'un premier de l'an, il y a quelques années de ça. Je vais pas préciser l'année parce que des gens pourraient se reconnaître. Mais j'ai fait une soirée avec des amis qui se passait plutôt bien, ma foi, étant donné que tout était à foison. Je peux même dire que je m'en suis mis plein la panse ce jour-là et je discutais avec une femme plutôt affriolante. Mm-hmm. Qui m'a... Ok, très bien, j'ai abrégé, elle m'a appelé en accouchant. Ah, il y a Georges Panadides qui nous a rejoint. Et Georges est sur un live incroyable. Coucou Georgie. Bonsoir Georges. Coucou Georges. On continue avec Roger. Une femme donc plutôt sublime qui m'a appelé, m'a servi à boire, couché avec moi. C'est pas la question. Des gens pourraient se reconnaître. C'était ta mère, Jean-Mi. Ma mère qui nous écoute et on la salue. Eh bien, bisous. C'était super. Tout à l'heure, on était avec Monique. Comment elle s'appelle ta mère? Colette. Colette bisous et Monique. Colette. Colette et Monique, on les embrasse. Qui nous écoute, bien évidemment. Après avoir couché avec moi, elle m'a fait à manger. Après, j'en ai perdu un superbe foulard de chez Yves Saint Laurent, donc j'étais un peu déçu. Ça valait le coup, Roger? Ouais, ça valait le coup de ouf. Super. Et toi, Cécile? C'était comment? Franchement. Pas trop d'histoire en vrai. Hein. J'ai pas d'histoire absolument iconique comme ça. Vous n'êtes pas en direct de TSF Jazz, vous êtes sur Station Station. La station. La radio station. De la station. Anne-Cécile, qu'est-ce que t'as fait hier soir, Anne-Cécile? Alors, hier soir, je suis allée au vernissage de Paul DLM, qui a fait une magnifique, des magnifiques photos de Colombie. C'est un rappeur Ouais, non, non, il n'est pas rappeur. D'accord, très bien. Mais bref, et donc du coup, vous pouvez aller voir ses travaux jusqu'au 26 janvier. Il y a un truc, hein. Au Cerf-Volant, 3 rue Rodier. Voilà, allez-y nombreux, ça va être très sympa. C'est un placement de produit, Anne-Cécile. Exactement, moi je fais de la promo, moi je suis là pour faire de la promo déjà. Ouais, à part bouffer du McDo et filmer, toi tu fais rien. On a bien compris. Ça. Voilà, et après, je suis allée quelque part où ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée. Les Noctambules sauront exactement où c'est les petits tonneaux. En République. Oh misère! Oui, misère totale. Et j'ai découvert. Mais c'est pour ça que t'es dans un état aussi joyeux. Oui. Très joyeux. Alors, mais un ami m'a dit une fois, alors si tu bois jusqu'à 6h du matin, sache jusqu'à 23h, tu as de l'alcool dans le sang. Il se reconnaîtra s'il nous écoute. C'est qui? Adèle. Adèle. Adèle! Adèle de. Anciennement de. Adèle de Palladium. Ouais. Palladium. Exactement. Quel connard. Il s'appellera toujours Adèle de Palladium, hein, de toute façon, dans mon esprit. Voilà, et donc, du coup, effectivement, je pense que j'ai encore pas mal d'alcool dans le sang, qui est en plus réitéré par tout ce cidre-là qui coule à foison. Ah, le cidre. Voilà. Ah, le cidre. Le cidre, partenaire. Je tiens quand même à dire que j'ai bien fait d'instaurer le cidre pour les émissions de Vaticool, c'est quand même vachement mieux. C'est mieux que la bière. Ouais. Alors, j'aime bien les deux. Il y a un côté plus raffiné. Ah, j'aime bien les deux. T'es jamais cidre trop sucré. Le sucre, c'est la. Je bois amer et italien. Donc Negroni, n'hésitez pas à lui offrir des Negroni. Oh oui, n'hésitez pas à m'offrir. Et voilà, mais sinon c'était une soirée genre normale, comme un mardi chez Tan. Voilà. Très bien. Très bien. Eh bien, c'était très intéressant comme soirée, Anne-Cécile. Oui, tout à fait. Donc en fait, t'as bu de l'alcool à petit tonneau, quoi. Oui. Génial. Ça faisait longtemps. Ça et on va pas réitérer le truc avant. Avant, après-demain, puisque vous pouvez retrouver Anne-Cécile tous les... Non, non, je pars. J'ai dit que je partais demain. Voilà, je pars demain. Vous ne verrez pas avant le 1er janvier à Paris. Voilà. Très bien. Mesdames et messieurs, on va s'écouter un petit morceau. Et puis on revient. Mais pas de 6 minutes. c'est un morceau qui... Ah ouais non, alors oui, non, avant. Il est un peu long. Ouais, on le coupera. Mais d'ailleurs, moi aussi, je veux passer un morceau. Alors, qu'est-ce que tu veux écouter, Roger? J'ai envie d'écouter à Stafford Mods. Alors, c'est où que ça se passe? Alors, tu vas dans bibliothèque. Non, ça va être long, ça va être long. Attends, attends. Pendant ce temps, Anne-Cécile va nous faire sa petite chronique cuisine. Pendant ce temps, Anne-Cécile nous fait sa chronique. Ta recette du risotto aux champignons, s'il te plaît. Sa chronique, beauté, comment être bonne en mangeant de la dinde. Ça, c'est un jeu. Voilà, mais... Ah, il y a ma mère qui m'appelle. Vas-y, prends-la en direct. Ah, ouais, non, c'est pas drôle. Si, si. Je mets en haut-parleur, alors. Allô? Allô? Oui, ça va? Oui, ça va. Alors, je suis chez au passage. Donc, je vais te passer à dame. Tu expliques ce que tu veux comme papier. Ah, je veux du papier épais pour faire de l'aquarelle. Ah, on me passe même quelqu'un de passage coûté. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous faire déranger. C'était juste que j'avais une question. C'est que le 400 grammes, ou plus de 400 grammes, c'est un peu particulier. D'ailleurs, vous allez tomber dans le papier aquarelle. Oui, mais plus de 400 grammes, évidemment, la question que l'on se pose, est-ce qu'on doit vraiment ou pas prendre plus de 400 grammes de... 400 grammes, ça fait beaucoup pour une soirée. Ah, ça dépend du nombre de convives, à vrai dire. Sur ce, je vous propose qu'on écoute un morceau. Le morceau s'appelle Complètement débile. Il est sorti sur AK-47. C'est de Stafford Mudd. C'est ton truc de gauche. Ouais, c'est celui-là. Et c'est parti. Vas-y, et on reprend. Mater la télé, c'est complètement débile. Acheter à manger, c'est complètement débile. Ouvrir son courrier, c'est complètement débile. Faire la vaisselle, c'est complètement débile. Jouer à des jeux, c'est complètement débile. Laver ses fringues, c'est complètement débile. Boire du café, c'est complètement débile. Faire ses lacets, c'est complètement débile. Lire des magazines, c'est complètement débile. Téléphoner, c'est complètement débile. Prendre le bus, c'est complètement débile. Bouffer des chips, c'est complètement débile. Changer une ampoule, c'est complètement débile. Nettoyer ses chaussures, c'est complètement débile. Voter pour un type, c'est complètement débile. Aller travailler, c'est complètement débile. Tirer la palombe, c'est complètement débile. Faire du parapente, c'est complètement débile. Balayer les feuilles, c'est complètement débile. Lire des BD, c'est complètement débile. de la musique, c'est complètement débile. Porter des soutifs, c'est complètement débile. Prendre des photos, c'est complètement débile. Aller à l'école, c'est complètement débile. Tricoter des pulls, c'est complètement débile. Prendre l'avion, c'est complètement débile. Danser ensemble, c'est complètement débile. Se défendre, c'est complètement débile. Se raser, c'est complètement débile. Complètement débile. Cuisiner, c'est complètement débile. La course à pied, c'est complètement débile. Conduire des trucs, c'est complètement débile. Rigoler, c'est complètement débile. Écrire des bouquins, c'est complètement débile. Scier du bois, c'est complètement débile. Bronzer au soleil, c'est complètement débile. Baiser en chaussettes, c'est complètement débile. Jouer au ballon, c'est complètement débile. Apprendre à marcher, c'est complètement débile. Porter des lunettes, c'est complètement débile. T'utiliser des chiottes, c'est complètement débile. Se soigner, c'est complètement débile. Caresser un chat, c'est complètement débile. Se balader, c'est complètement débile. Aller au concert, c'est complètement débile. Aller au ciné, c'est complètement débile. Partir en vacances, c'est complètement débile. Sortir ses poubelles, c'est complètement débile. Payer un loyer, c'est complètement débile. S'asseoir sur une chaise, c'est complètement débile. Le yoga, c'est complètement débile. Élever des truites, c'est complètement débile. Faire du cirque, c'est complètement débile. Se faire des tatouages, c'est complètement débile. Les jeux de rôle, c'est complètement débile. Faire le plein d'essence, c'est complètement débile. Gagner de l'argent, c'est complètement débile. Peindre, c'est complètement débile. Laisser refroidir ses frites, c'est complètement débile. Boire des demi, c'est complètement débile. Habiter Toulouse, c'est complètement débile. Taper sur un clou, c'est complètement débile. Plonger dans la mer, c'est complètement débile. Mater la météo, c'est complètement débile. Faire des enfants, c'est complètement débile. Vivre, c'est complètement débile. Mais on le fait quand même. Et qu'est-ce que ça peut bien vous foutre? Présenté par Roger. Eh ben non, aujourd'hui c'est moi qui présente. Et c'est toujours moi qui présente. Et nous sommes toujours 29. En direct de, le rond-point de la porte d'Aubervilliers, épisode 29, Vaticool, mesdames et messieurs. Anne-Cécile Kowaleski est au téléphone. Voilà. Et Roger. C'est encore est là. Maman. C'est encore maman. On la salue. Allô. Comment elle s'appelle ta maman? C'est une soirée. Je n'ai plus de son. Ma maman s'appelle. J'ai nouveau du son. Comment elle s'appelle ta maman? Marie-Lorraine. Marie-Lorraine, on t'embrasse. Marie-Lorraine, que l'on embrasse, bien évidemment. Vous aussi, vous écoutez Vaticool. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag Vaticool sur Twitter. Absolument. Roger, j'ai pris le contrôle de cette émission comme maintenant, vous avez, c'est vrai. Vous avez compris. Tu as pris le contrôle, en effet. Et je t'ai demandé une seule et unique chose, préparer une petite chronique. Est-ce alors que tu as fait tes devoirs? Bah ça tombe bien, j'ai préparé une demi-chronique. Alors, à la fin sera en roue libre, mais ce sera super. C'est parti, mesdames et messieurs, on écoute la chronique de Roger. Et la chronique de Roger Delisle. J'aimerais bien écouter mon jingle quand même un moment. Comment ça va, Roger, aujourd'hui? Eh ben écoute, ça va pas mal, mon vieux. Figure-toi que demain matin, je pars de Paris. Formidable, non? Je rentre une semaine chez ma mère à Agen. Agen, tu te rends compte? Les prénoms. Tout pile au milieu de la diagonale du vide. Une ville charmante où il faut s'arrêter que parce qu'on vient de là-bas. Parce que sinon, il n'y a pas d'autre raison. Avant c'est Bordeaux, après c'est Toulouse, mais c'est bien, ça fait 3 ans que j'ai pas fêté Noël en famille. Tu comprends, les autres années j'avais pas trop les moyens. Dis-toi qu'à chaque fois que je pars chez mes parents, j'ai des frais terribles, mon pote. Des frais terribles. Parle pas. Bah faut faire des cadeaux. Bah déjà il y a ça, et puis même, mère italienne. Ouf. En effet, à chaque fois que je pars chez mes parents, nouvelle fringue, et tout, et ma tronche, je dois partir chez le coiffeur. Mais avant mon départ, tu sais, pour faire illusion. On cherche un coiffeur d'ailleurs pour Roger. D'ailleurs, je cherche un coiffeur là maintenant tout de suite. Si vous pouvez venir, je pars demain. Au rond-point de la porte d'Aubervilliers à la session Gare des Mines, couper les cheveux à Roger. Il nous reste 10 minutes. Mais ouais, parce que ça déconne zéro. En parlant de ça d'ailleurs, je sais que t'as pas un rang, mais t'as fait un magasin ces derniers jours? Excusez-moi, pardon. T'as fait les magasins ces derniers jours, toi ? Non, j'ai pas fait les magasins. T'as pas vraiment, bien sûr. Mais c'est la folie, mon vieux. Mais tu sais ce qui me déçoit un peu ? Les gilets jaunes. Qu'est-ce qu'ils ont ? Je suis un peu déçu des gilets jaunes, tu vois. Moi, j'étais parti, là, il y a deux samedis de ça, en me disant, ah bah tiens, c'est les gilets jaunes, c'est la guerre, allons squatter du côté de la Fnac Néterne. Je comprends. Je pourrais bien piquer une télé et puis apparaître. Casser une vitrine, piquer une télé, apparaître dans la le journal, tu vois. Mal. Un truc un peu BFM TV, machin. Mais attends, imagine-moi en train de courir sur BFM TV avec une télé dans les bras et un t-shirt qui dit écoutez, Vatikou, le buzz que ça ferait, mon pote. Il faut faire ça, Roger, il faut le faire. Acte 6, oui, mais c'est plus vraiment la guerre, Jean-Michel, c'est ça le problème. Enfin bon, du coup, voilà, les gilets jaunes, bah, si vous pouvez vous remettre à casser des magasins histoire qu'on puisse voler des télés, bah, ce serait vachement bien. Enfin bon. Acte 6, les gilets jaunes. Cette émission se politise drôlement hein, quand c'est toi. Hein. Ouais, je sais. Enfin bon, à vaincre sans Roger, et bah, on triomphe sans gloire. C'était la fin de ma chronique. Et bravo. Bravo. Bravo. Bravo Roger, c'était une très belle chronique. Alors, je pense que le public est d'accord. Est-ce qu'on peut... Oh ouais, merci. Merci public. Merci. Vous êtes formidable. Vous êtes merveilleux. Ah, il y a une fille qui vient de te jeter une culotte. Oui. Ah, c'est génial. Que je garde pour ma collection d'ailleurs. Tu viendras me voir toi après. Tu viendras me voir. Alors Roger, tu me disais tout à l'heure en antenne que bien malgré moi, je t'avais coupé dans ton élan de promotion. Eh oui, Martin Roca nous a rejoint. Bah très bien, qu'il vienne un jour. Bonjour Martin. Bonjour Martin, bravo. Et Martin. Martin qui est un musicien top modèle. C'est vrai, bah c'est exactement c'est ça, un musicien top modèle. C'est vous dire voilà. À quel point il est con. Et bonne en même temps, donc n'hésitez pas à lui envoyer des messages. Martin Crawford. Exactement. Ah, oui, parce que j'ai bonjour, plein de dates, bonjour. Moi, figure-toi. Chut, il a les dates, il va parler. Oh, j'ai des dates. Arrête de suivre le chat un peu. Allez, fais-nous ta promo, Roger, on t'écoute. Alors, le 1er janvier, je jouerai donc à Brume, au 131 rue Oberkampf, de 2h jusqu'à 5h du matin, probablement back-to-back avec le grand, l'incroyable Sam Ramon, qui est aussi l'équipe recherche et développement de Vatikool. Le 3 janvier, en solo à l'Alcazar. Attends, j'ai plus la date. Il cherche la date. Prenez vos stylos, vos papiers, vos agendas. Prenez vos agendas, parce que mes petits bouchons... je serai également donc à Point Éphémère le 12 janvier à Point Éphémère et le 25 janvier. Le 12 janvier à Point Éphémère. Non, si c'est acté, c'est signé. Là, je vois Robin en régie qui faisait question. Mais... Qu'est-ce qui se passe, Robin ? Robin ? Ah, rien du tout, Roger interprète. Et voilà. Mais du coup, voilà. Le 12 janvier donc à Point Éphémère pour leur soirée 90s régressive. Ça va être top. On va passer du punk à roulette et. Et de la housse un peu dégueulasse, ça va être bien. Et le 25 janvier à Carambole, ah ouais. Qui est donc un petit bar du côté de La Fourche. Très bien. As-tu complètement chargé ? Eh ben écoute, oui, plutôt. En même temps, il faut s'y remettre, quoi. Je veux dire, c'est le début c'est de l'année. On va attaquer 2019. C'est la rentrée. C'est le moment, là, les gars. C'est le moment de se bouger. C'est le moment de faire des dates, faire des trucs, faire danser les filles. Tout ça, quoi, bien sûr. Elle ne fait pas qu'un Elodie Mirasola, Mirasola nous a rejoint. On l'embrasse, Elodie. Et bien sûr, Elodie Mirasola. Elle ne fait pas qu'interrompre l'émission à tout bout de champ pour dire de la merde. C'est aussi une artiste. Anne-Cécile Kowalewski, as-tu une actualité ? Eh bien, j'ai une actualité très chargée en ce début 2019. Un peu comme ton estomac. Exactement. Très bien. C'était merci. Oui, mais c'est vrai. Si vous voyez sa gueule, mesdames et messieurs, c'est formidable. Moi, je la connais un petit peu. Je l'ai pratiquée. Enfin, pratiquée. Attention. Oui. Attention. Pas alors, attention. Les réseaux sociaux sont déchaînés actuellement. Non. Il n'y a jamais eu de ça entre nous. Sauf qu'on a été. Intime. Je lui ai envoyé des pertes et des pamures et je me faisais pardonner en lui ramenant des petits carambars qui piquent. Parce qu'il adore les bonbons. Maintenant, vous savez comment m'amadouer les filles. Voilà, juste avec des bonbons qui piquent. Au final, ça coûte 3 euros le paquet. Il n'est pas très cher. Et pendant que les pompiers passent, Anne-Cécile va nous parler de son actualité. Donc, à la rentrée, qu'est-ce qui se passe pour toi ? Donc, du coup, je pars visiter le monde en janvier. Donc, très bien. Pendant un mois et demi, vous verrez peut-être mes stories au soleil. Alors que vous aurez très, très froid. Je vais au Cambodge. C'est pas vrai. Super. Je vais voir des temples d'Angkor. Ça va être génial. Encore et encore. Quelque chose de typique ? Comment ? Tu me ramèneras quelque chose de typique ? Mais bien sûr, une cambodgienne, Roger ? Quelque chose de typique. Quelque chose qui pique ? Oh ! Et puis après, ça surtout, j'ai une expo au Loft rue de Dunkerque, à côté de l'avenue Trudaine, donc dans le 9e, le 22, 23, 24 février. Le 22, 23, 24 février. Ouais. Exactement, et ce sera un peu mes 10 ans de dessin de concert. Et ce sera les 10 ans de donc combat. Ce sera une expo absolument géniale, il y aura du live, il y aura du dessin, il y aura des gens sympas, il y aura de l'alcool, ce sera fabuleux. Et oui, voilà. Il ne faut surtout pas la manquer. Et après, une semaine après, je fais une autre expo à la mairie du 3e dans le cadre de la journée de la femme autour des figures féminines bibliques. Ah, bah, c'est ton bien, deux salles, deux ambiances. On va se marrer. Voilà. Cécile qui fait des dessins, notamment de concerts. Voilà. Qu'on avait reçu dans l'émission il y a quelques semaines. Oh, oui. On va dire ça. Elle vient toutes les deux semaines, hein, on va pas se mentir. Roger, parle-nous un petit peu de la rentrée pour nous, pour Vaticool. Que va-t-il se passer, Roger ? Eh bien, pour nous, pour Vaticool, que va-t-il se passer ? C'est une bonne question, Jean-Michel. En effet, une saison qui s'annonce chargée, qui s'annonce pleine de surprises, de joie, de peine, de... Un nouvel arc narratif, probablement. Si tu t'enfuis avec la caisse, il y aura un nouvel arc narratif, mais rien n'est sûr. Mais bref, oui, de nouveaux arcs narratifs, de nouvelles émissions également, puisque donc vous pourrez retrouver, et tout se rapproche, vous pourrez retrouver effectivement donc Vaticool. C'est quand la prochaine ? Eh bien, la prochaine... On a une date ou pas ? Ouais. Alors, vas-y. Prenez vos agendas, mesdames tout et messieurs. Tout à fait. Prenez vos agendas, mesdames et messieurs, puisque le premier épisode de Vaticool... 2019, effectivement, saison 2, ce sera, eh bien, le 16 janvier. Ouhou ! Vaticool, présenté par Roger. Eh ben non. Ah, d'ailleurs, j'ai une petite... Ouais, mais c'est dingue, c'est même pour les jingles, tu peux pas t'en... Elle peut pas s'empêcher. C'était ma première émission. Roger a eu la gentillesse de me laisser présenter. Et je pense qu'il y en aura d'autres. Hein. Je veux pas faire du tease. Mais pourquoi est-ce que tu prendrais cette émission ? Pourquoi est-ce que tu n'aurais pas la tienne à toi ? Écoutez, mesdames et messieurs, en direct, juste pour vous, une exclusivité mondiale. Parce que figure-toi, j'ai un titre pour toi. Effectivement, il est prévu que je fasse ma propre émission. À partir de janvier, en effet, une production Vaticool. Vous pourrez retrouver, alors on n'a pas encore trop la fréquence ni la date, tout ça, mais vous pourrez retrouver en direct sur Station. Est-ce que je pourrais avoir un jingle, Station ? Non, le Ré, le premier Ré, ouais. Celui-là ? Ouais, celui-là. Vaticool. Non, l'autre après. Alors, l'autre après. Station. La station. C'est oui, en effet, sur cette antenne même, vous pourrez retrouver le Péril Show. Le Péril Show, mais incroyable ce nom, le Péril Show. Ouais, c'est parce que mon nom de famille, c'est Péril, c'est pour ça. Alors, le Péril Show, alors on n'a pas vraiment encore de ligne directrice, on a bossé. On a brainstormé. Mais en attendant, l'équipe recherche et développement est sur le coup. Jean-Mi aura ses propres jingles. Ce sera évidemment une production Vaticool à retrouver sur Station, la station. Et également en Apple Podcast sur vos téléphones à marque-pomme ou vos autres applications dédiées, bien évidemment. Je peux faire un petit point promo encore ? Alors, tant qu'à faire, oui. Vas-y, après on va devoir rendre l'antenne. Tu veux pas attendre les annonces pour ton point promo ? Bon, on va aller faire les annonces alors. Vas-y. Il va falloir se dépêcher, les enfants. On y va. Ok, très bien. Alors, pendant que Jean-Michel va vous raconter une blague désopilante... Toujours pas. Écoutez, j'étais très content d'être avec vous cet après-midi. J'espère vraiment que vous avez passé un aussi bon moment que nous en avons pris à faire cette émission. Robin, Anne-Cécile, tais-toi. Robin, Anne-Cécile, Roger et moi-même, nous vous souhaitons plein de bonnes choses pour cette fin d'année et on sera ravis de vous retrouver en 2019 pour de nouvelles aventures. Avec nos meilleurs vœux. Meilleurs vœux, passez de bonnes fêtes et c'est le moment des annonces. Alors du coup, je commence avec la prochaine émission de Vaticool est donc le 16 janvier. Tu me demandes pas si ça m'a plu, si je reviendrai. Aux Archives nationales de Paris, l'expo du Forum des mobilités, organisée par ma chère sœur Ariane Kowalewski. Est-ce qu'elle est bonne ? Et en plus, elle est bonne. Elle a envie de se marier avec Jean-Michel juste pour s'appeler Péril, parce qu'elle trouve ça très drôle. Ouais, tant qu'on baisse, ça me va. C'est le moment où le message est passé, voilà, effectivement. Et si on se prend des hashtags MeToo sur le hashtag de l'émission, ça peut faire le buzz. Moi, hein, je suis féministe, Roger. Cunilingus forever. Incroyable. Des annonces, donc. Anne-Cécile, quelle est ton actualité ? Mais j'ai l'impression que je me répète, mais j'ai dit en février, le 22, 23, 24. Le 22, 23, 24 au février, au Loft. Rue Dunkerque. Rue Dunkerque. Venir, ça va être une exposition un peu complètement folle, ça va être un délire et je vous attends nombreux. Un délire. Ok, moi, mon actu, parce que là, on va devoir rendre l'antenne, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Mon actu, je vais remonter sur les planches, faire des blagues. Je vous tiendrai évidemment au courant sur les réseaux sociaux. Et Jean-Michel Péril, Jean-Michel Péril sur mon Facebook et Jean-Mimimi sur mon Instagram. Je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes. Roger, merci. Bah, merci à toi. Robin, merci. Super, Robin est content. Robin Cécile, est content. Merci. Robin est Cécile, merci. Merci. Dans une joie qui confine à l'hystérie. Ah, oh, c'est extraordinaire. Il est dans une joie qui confine à l'hystérie. Vous étiez sur Vaticool, mesdames et messieurs, épisode 29. As-tu déjà, bisous. As-tu déjà connu l'amour ?